Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons revenir sur une découverte majeure publiée cet été dans la revue Nature et qui a ébranlé le milieu de la paléontologie. En effet, des ossements humains ont été découverts au Maroc, vieux de 300 000 ans, et donc plus vieux que ce qu'on connaissait jusqu'à présent, plus vieux de 100 000 ans de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. On en parle avec le biologiste Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonsoir. Alors pour commencer et pour bien comprendre un petit peu la portée de cette découverte, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu ce qu'on connaissait jusqu'à présent de la famille humaine, donc Homo sapiens. Qu'est-ce que c'est d'abord Homo sapiens? Ça veut dire quoi Homo sapiens? On sait aussi qu'il y a eu l'homme de Néandertal. Quand on parle des ancêtres de l'humain, de la lignée, on entend des fois parler de Lucie. Donc il y a toute une panoplie, toute une famille finalement. Il y a toute une famille. C'est là, ça, ouais. Qu'on a retrouvé généralement en Afrique, mais il y en a des fois, des Néandertal, on les a trouvés ailleurs. Puis quand? À quelle époque? Donc j'aimerais que vous nous fassiez un petit peu un topo de ce qu'on connaissait avant cette découverte. En fait, on connaissait une vingtaine d'espèces dans la famille des ce qu'on appelle les hominines, c'est-à-dire une sous-famille des hominidés. Et alors, Homo sapiens, c'est l'espèce, c'est nous. Mm-hmm. C'est aussi ce qu'on appelle l'homme de Cro-Magnon. Mm-hmm. Et jusqu'à maintenant, on pensait que c'était une espèce qui avait émergé il y a à peu près 200 000 ans en Afrique de l'Est. Et notre espèce sœur, donc l'espèce dans cette famille qui est la plus proche de nous, c'est l'homme de Néandertal. Qui, lui, a existé entre moins 350 000 ans et moins 28 000 ans, ou à peu près, en Europe, donc mm-hmm. qui était contemporain de l'homme de Cro-Magnon. Et Lucie est beaucoup plus ancienne. Lucie est entre 3 et 4 millions d'années, donc c'est 10 fois plus que l'homme de Néandertal, par exemple. Mais elle, c'était pas une Homo sapiens. C'était pas une Homo sapiens, c'était une Australopithèque, donc Australopithecus afarensis de son petit nom. Donc c'était même pas une Homo. C'était pas une Homo. Mm-hmm. Mais dépendant de ce qu'on définit comme un humain, on la considère humain. D'accord. Parce que ça dépend. Pour la plupart des chercheurs, un humain, c'est un grand singe, donc un grand primate sans queue, mm-hmm. entre autres, et qui est bipède. Mm-hmm. Donc, Lucie était bipède, donc on l'inclut dans les humains. D'accord. Donc, si on emploie plutôt une définition beaucoup plus stricte, mais l'humain, ce serait seulement notre espèce à nous, Homo sapiens. Mm-hmm. Mais pour la plupart des gens, c'est l'ensemble de la famille qui s'est développée depuis la divergence entre nous et les chimpanzés il y a 6 millions d'années. D'accord. Donc, il y a les chimpanzés et les ancêtres de nous-mêmes là, qui ont divergé il y a 6... C'est autour de 6 millions d'années. 6 millions d'années. La branche humaine, la branche de cette famille dont on vient de parler, a émergé de la branche qui a mené aux chimpanzés il y a 6 millions d'années à peu près. Donc, il y a eu Lucie, qui était une australopithèque, et d'autres. Et puis, il y a eu ultérieurement donc Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Et donc, de ce qu'on savait jusqu'à présent, les plus vieux ossements connus d'Homo sapiens étaient découverts en Éthiopie et remontaient à près de 200 000 ans, 195 000 ans. D'accord. Donc, on a des spécimens de 195 000 et d'autres de 160 000 qui viennent d'Éthiopie. Donc, on disait, il y a 200 000 ans, l'espèce humaine aurait émergé dans cette région. D'accord. Donc, maintenant qu'on a un peu un portrait de la famille des humains... Un portrait de famille. Oui, c'est ça. Quelle a été la découverte qui a été donc consignée dans Nature cet été? OK. Alors, on découvre donc au Maroc, il y a des spécimens qu'on avait déjà découverts dans les années 60, mais on avait déterminé leur âge à peu près à 40 000 ans. Donc, on se disait, bon, c'est pas très intéressant, c'est des Homo sapiens, mais qui présentent pas un grand intérêt. C'est le résultat d'une émigration à partir de l'Afrique de l'Est il y a relativement peu de temps. Mais les chercheurs ont récemment voulu déterminer de nouveau l'âge de ces fossiles. Et à leur grande surprise, ils arrivent à peu près 315 000 ans. Donc, disons 300 000 ans. Puis là, j'imagine que quand on voit un âge pareil par rapport à ce qu'on savait avant, on doit faire des vérifications. Est-ce qu'on a bien fait la mesure de bonne façon? Oui, quand on lit leur description de la détermination de l'âge, c'est très sérieux. C'est des méthodes modernes qui sont fiables, qui sont validées. Mm-hmm. Et donc, on a déterminé l'âge à partir de certaines dents d'humains qu'on a trouvées à cet endroit et à partir de certains outils taillés qui sont au même endroit dans les mêmes couches géologiques. Mm-hmm. Donc, l'âge ne fait pas de doute. Mm-hmm. Évidemment, il y a toujours une incertitude. C'est 315 000, ouais, plus ou moins 35 000. Ouais. Mais disons, si on dit autour de 300 000, on ne se trompe pas. Ce serait très peu probable qu'on découvre ensuite que c'est 200 000, par exemple. Mm-hmm. Donc là, ça fait quand même un bond assez important. Là, de 200 000, on passe à 300 000. Veut dire quoi, finalement? Ça allonge l'histoire de notre espèce de 50 %, donc 100 000 ans de plus. Et ce que ça nous indique, c'est que on ne sait plus donc où notre espèce aurait émergé en Afrique. Mm-hmm. Le fait qu'on trouve les plus vieux fossiles au Maroc, ça ne veut pas dire que notre espèce aurait émergé au Maroc. Elle a très bien pu émerger en Afrique de l'Est, comme on le pensait avant, sans qu'on ait trouvé les fossiles encore aujourd'hui. On peut peut-être s'attendre à trouver des fossiles aussi vieux ou plus vieux ailleurs en Afrique. Ailleurs. Il faut penser que la fossilisation, c'est un processus très aléatoire. Il y a une trop petite proportion des individus vivants qui se fossilisent. Et parmi ceux qui se fossilisent, il y a une toute petite proportion de ces fossiles qu'on arrive à découvrir. C'est vrai. Donc, c'est pas surprenant que d'année en année, on trouve de nouveaux fossiles et puis qu'ils chamboulent un peu notre conception de notre histoire. Donc, ce que ça nous indique, ça nous indique pas nécessairement que notre espèce a émergé au Maroc. Mm-hmm. Elle aurait pu émerger ailleurs. Mais ce que ça nous indique de très intéressant, c'est que notre espèce est plus ancienne qu'on pensait et que déjà, il y a 300 000 ans, elle occupait peut-être une grande partie de l'Afrique. Parce qu'on a trouvé aussi, il y a une couple d'années, une espèce qu'on appelle Homo naledi, mm-hmm, en Afrique du Sud, mm-hmm, dont on vient de déterminer l'âge il y a quelques mois, qui est 300 000 ans aussi. D'accord. Donc, et cette espèce est très semblable à nous. Donc, il y avait plusieurs espèces très proches de nous, mm-hmm, qui couvraient probablement toute l'Afrique. Il y a à peu près 300 ou 500 000 ans. Et en fait, ces fossiles, ces ossements qui ont été découverts au Maroc, est-ce qu'ils sont complètement semblables à nous? Oui et non. On a découvert, en fait, on n'a pas découvert énormément d'ossements, mais on a découvert les parties les plus cruciales, les plus critiques. On a découvert un humérus, une partie d'un fémur, quelques ossements du crâne, et on a découvert deux crânes relativement en bon état et une paire de mâchoires inférieures en très bon état. Donc ça permet de... Ça fait plusieurs individus déjà. On pense à autour de 5 individus. La plupart des auteurs vont vous dire 5 individus différents. Et donc, comme on a le crâne, on est capable de déterminer les ressemblances importantes avec nous. Donc, essentiellement, si on simplifie, c'est une espèce dont la face est très semblable à la nôtre. Donc, la face est relativement verticale, le museau est court. Mais la boîte crânienne qui, elle, loge le cerveau, est différente. La boîte crânienne de ce nouveau fossile du Maroc est plus basse et plus allongée vers l'arrière que la nôtre. Donc, ce qui implique un cerveau qui était différent aussi, l'organisation générale du cerveau, le cortex frontal, et d'autres parties du cerveau étaient probablement différentes, donc une organisation différente, ce qui laisse supposer des capacités intellectuelles, une vie sociale qui était différente. Mais là, on est dans la spéculation. Donc, c'est comme si c'était une espèce qui nous ressemble beaucoup au point de vue de la face, une face qui est moderne, qui ressemble à la nôtre, mais la boîte crânienne qui est archaïque, qui est plus ancienne, comme une mosaïque, si on veut, de caractère. Mais malgré tout, on l'appelle quand même Homo sapiens, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir d'un autre homo? On pourrait en discuter longuement. C'est une question de la définition de l'espèce, de deux choses l'une. Ou bien ces nouveaux fossiles du Maroc n'appartiennent pas à l'espèce Homo sapiens, ou on décide de redéfinir les frontières de l'espèce Homo sapiens. Parce que comme toutes les espèces, elle est constituée d'un grand nombre d'individus, d'une grande variabilité à l'intérieur de l'espèce. Et c'est nous qui décidons quelles sont les frontières de cette espèce pour les espèces fossiles. Parce qu'avec les espèces fossiles, évidemment, on ne peut pas utiliser la définition biologique de l'espèce qui nous dit ce sont des individus qui sont capables de donner des descendants fertiles. Évidemment, pour les fossiles, on ne peut pas appliquer la définition. On est limité à une définition morphologique. Et si on regarde la morphologie, bien, les auteurs de l'étude, évidemment, on peut comprendre leur motivation de l'inclure dans Homo sapiens. C'est intéressant pour eux. Mais, encore une fois, c'est une question de définition. Donc là, la controverse dans la littérature est autour de cette question. Est-ce que les frontières sont suffisamment étendues pour inclure ces nouveaux fossiles ou est-ce qu'il faut redéfinir les frontières ou s'il faut exclure ces nouveaux fossiles d'Homo sapiens et considérer que peut-être c'est une sous-espèce d'Homo sapiens, parce que c'est très semblable à Homo sapiens. Donc, la tendance, je pense, va être de l'inclure dans l'espèce, mais peut-être en faire une forme, une sous-espèce, ou on pourrait dire une race différente, archaïque pré-Homo sapiens. Mm-hmm. Mais vous voyez que c'est une question de définition où il y a des éléments un peu arbitraires. Là. Alors, il faut s'entendre sur la définition, sur la délimitation des frontières de l'espèce. Donc, j'en viens aux conséquences donc, de cette découverte. Donc, ça nous oblige à repenser un petit peu le berceau de ce qu'on pourrait dire l'humanité, qui est peut-être pas en Éthiopie, qui est quelque part en Afrique, qui est plus ancien que ce qu'on croyait. Est-ce que aussi cette découverte nous a invités à reconsidérer d'autres découvertes? Des fois, on découvre des fossiles, on a une datation, on n'est pas trop sûr, ça nous paraît un peu farfelu ou un peu bizarre et on la laisse tomber. Est-ce qu'il y a d'autres découvertes qui ont pu être réinterprétées à la lumière de cette découverte-là et appuyer finalement ces vieux fossiles? Mais pas encore, mais on peut facilement imaginer que des chercheurs vont chercher dans les tiroirs des musées des spécimens qui paraissaient bizarres. On ne savait pas trop comment les classer et dont la datation était peut-être incertaine. Et on va réexaminer ces spécimens et peut-être découvrir que c'est une nouvelle forme qu'on ne connaissait pas et peut-être une forme qui appartient à la même espèce ou à la même forme que celle du Maroc. Donc, ça va inviter à la prudence avant de conclure qu'on a vraiment bien identifié l'espèce. Et donc, ça permet de réexaminer des spécimens qu'on avait déjà et de pas conclure trop vite, de s'assurer qu'on attend d'avoir vraiment les données probantes pour pouvoir conclure sur l'identification de l'espèce, sur son étendue géographique, etc. Parce que je me disais peut-être qu'on avait découvert aussi d'autres fossiles, apparemment d'Homo sapiens, vieux de 250 ou 300 000 ans, je ne sais pas. Et puis, on s'est dit, non, ce n'est pas possible, les échantillons sont trop faibles, on ne peut pas faire la mesure, etc. Et peut-être que du coup, donc on les avait laissés tomber, et peut-être que du coup, ils ont une valeur. Oui, absolument, parce qu'il arrive assez souvent qu'on fait des découvertes importantes dans les tiroirs des musées, c'est-à-dire des spécimens qu'on avait déjà en collection depuis longtemps et puis qu'on n'avait pas réussi à classer ou sur lesquels on avait conclu trop rapidement. Une découverte comme celle-là qui nous surprend sur l'âge et sur la localisation, ça nous permet d'avoir cette prudence et puis ce désir d'aller confirmer d'anciennes conclusions. C'est ça. Cyril, vous disiez tout à l'heure que donc en Afrique du Sud, on avait aussi découvert des restes d'un autre homo naledi. Donc ça veut dire qu'à cette période-là, il y avait au moins deux homos en Afrique. Est-ce qu'on sait s'il y avait d'autres? Donc, s'il y avait une coexistence, de même qu'il y a eu en Europe Homo sapiens et l'homme de Néandertal. Donc, est-ce qu'on peut... Et puis, on sait qu'en Europe, Homo sapiens et Néandertal se sont un peu fréquentés. Se sont fréquentés à l'occasion. Ouais, oui. Donc, est-ce qu'on peut supposer aussi des rencontres entre ces différentes espèces d'homo en Afrique, dans ce buissonnement de nos ancêtres? Bien, ce qu'on sait maintenant, c'est que dans ces périodes, là, disons autour de 300 000 ans, il y avait au moins quatre espèces en Afrique, quatre espèces d'humains. Donc, il y avait, si on accepte ces nouveaux fossiles du Maroc, il y avait Homo sapiens, il y avait Homo erectus, il y avait l'homme de Heidelberg et il y avait ce Homo naledi dont on connaît pas on dit qu'on l'a trouvé en Afrique du Sud, mais peut-être qu'il avait une aire de répartition beaucoup plus grande. Donc l'Afrique est un immense continent, mais sur des périodes de 100 000 ans ou plus, c'est très facile d'imaginer qu'il y a eu des rencontres, qu'il y a eu de ces espèces ou de ces formes qui étaient sympatriques, comme on dit, c'est-à-dire qui vivaient au même endroit. Et comme c'est des espèces qui étaient très, très proches les unes des autres, il y a très probablement eu des mélanges. Ce serait ces mélanges qui auraient produit qui nous sommes maintenant, l'espèce qui finalement, autour d'il y a 50 ou 70 000 ans, est sortie d'Afrique. Donc... ça permet d'expliquer, entre autres, pourquoi on trouve souvent des formes en Afrique qu'on n'arrive pas à bien classer, on n'arrive pas à être sûr si c'est vraiment un Homo sapiens ou une nouvelle espèce, et pourquoi souvent on trouve de ces formes qui ont des caractères un peu hybrides, un peu en mosaïque, on dirait, comme cette espèce, ces spécimens du Maroc, avec une face moderne, mais une boîte crânienne archaïque. Donc, c'est peut-être le résultat d'un mélange de formes dont on ne connaît pas encore l'existence, plus anciennes encore, avec des formes relativement récentes, des formes qui ont émergé il y a longtemps, mais qui ont survécu longtemps, donc qui ont pu se mélanger. Mm-hmm. Alors, autrement dit, comme toujours en science, plus on a de données, plus c'est compliqué. c'est très simple de conclure quand on a très peu d'informations. Ouais. On peut remplir les trous dans notre effort, dans nos connaissances mm-hmm. par l'imaginaire, mais à mesure que les spécimens arrivent, ouais. on voit qu'il faut discipliner l'imaginaire, parce ouais. que plus on a de données, plus c'est compliqué. Ouais. Puis aussi, donc, toutes ces populations humaines ont pu se croiser en Afrique, d'autant plus qu'à l'époque, le Sahara était vert. Voilà. Donc, ça facilitait, parce qu'on peut dire ben, comment les populations humaines d'Éthiopie auraient pu se déplacer vers voilà. le Sahara et vice-versa. Ben, voilà. Au nord du Sahara au et vice-versa, mais il n'y avait pas de Sahara à l'époque. Il n'y avait pas de Sahara, ça ressemblait plus à la savane. À la savane, donc c'était des milieux qui étaient tout à fait favorables. On trouvait des antilopes, on trouvait des carnivores, on trouvait le même genre de faune qu'on trouve à peu près en Afrique de l'Est aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de barrière physique qui empêchait le déplacement des populations. Il n'y avait pas de barrière physique. Puis à partir du moment où les hominidés ou les homininés sont devenus bipèdes, ils étaient capables de se déplacer relativement ouais. efficacement sur de longues distances. Mmh. Donc on n'imagine pas qu'ils partaient un lundi matin avec l'intention de faire une longue migration. Mais même si l'aire de répartition d'une de ces espèces s'étendait de quelques kilomètres par année, mais quelques kilomètres par année sur 50 000 ans, ça fait on peut traverser l'Afrique. Mm-hmm, c'est ça, exactement. Ils ont eu le temps de se promener. ils ont eu le temps de se promener, même s'il n'y avait pas une intention de, ouais. de se promener, de la même manière qu'on n'imagine pas qu'il y avait une intention de sortir d'Afrique mm-hmm. il y a 50 000 ans, puisque ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient en Afrique, puis ils ne savaient mm-hmm. pas qu'il y avait quelque chose au-delà de l'Afrique. Donc, le résultat est le même, mais il faut penser à la vie au quotidien, au jour le jour, qui incite les gens de l'époque. Aller là où il y a de la nourriture, de l'eau. Chercher un nouvel habitat, ouais. Fuir des compétiteurs, mm-hmm. Etc. Mm-hmm. Explorer. Mm-hmm. L'humain, avec son gros cerveau, est capable d'explorer, puis il a le goût d'explorer. Donc, vu de notre point de vue à nous aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est fait très, très, très rapidement, mais finalement, à l'échelle évolutive, oui, ça s'est fait rapidement, mais à l'échelle du quotidien de ces gens-là, c'est ça, c'était 100 000 quelques... ans, il y a des générations et des générations là, qui... C'est ça, alors il suffit de faire quelques kilomètres par génération, puis on a fait une longue mmh. distance, finalement. Ouais. Mmh. Mais donc, tout ce buisson là, d'humains, les Homo naledi, sapiens, etc., est-ce que ça remet pas un petit peu en question l'espèce de vision... qu'on a une vision linéaire de la lignée humaine avec le singe qui se redresse petit à petit ouais, jusqu'à nous-mêmes. Totalement. Donc finalement, c'est pas vraiment linéaire. Non, c'est en fait, on a dans les années 70, on a commencé à se débarrasser de cette vision linéaire de l'évolution. Des espèces là, qui se remplacent les unes les autres selon une progression mm-hmm. linéaire, cumulative, ascendante, où les espèces, on disait, les espèces s'améliorent, sont de mieux en mieux adaptées. On s'est complètement débarrassé de cette vision-là pour la grande majorité des espèces avec des études qu'on a faites, par exemple, chez les poissons cyclidés des lacs africains, les mouches à fruits drosophiles de l'archipel Hawaï, les pinsons des Galapagos, etc., pour citer des exemples classiques. Mm-hmm. Et donc, on s'est rendu compte avec ces études que l'évolution ne traçait pas des séries linéaires, mais des buissons ramifiés. Et mm-hmm. on a voulu appliquer cette même vision à l'origine de l'homme. Mais on a résisté longtemps à ça parce qu'on est pris avec cette image d'une progression linéaire où on voit justement à gauche un singe qui est accroupi, puis à droite un humain avec un cellulaire et un veston. Puis on voit une série linéaire. Mais c'est pas l'évolution qui crée ces séries linéaires, c'est nous. On peut mettre des espèces dans cette série linéaire, dans cet ordre, par exemple pour montrer l'augmentation progressive du volume du cerveau. Mm-hmm. Mais ce que l'évolution a produit, c'est un buisson ramifié. Et avant 1960, ou à peu près, on avait trop peu de fossiles d'humains ou d'ancêtres potentiels des humains pour pouvoir voir cette forme buissonnante. Mais depuis les découvertes de Louis Leakey en 1959 en Afrique de l'Est, maintenant on connaît 23 ou 24 espèces. Mm-hmm. Et à certaines périodes, on connaît 5 ou 6 espèces d'hominidés contemporaines qui mm-hmm. vivaient dans les mêmes régions d'Afrique de l'Est. Donc, de toute évidence, il y avait une avenue qui menait jusqu'à nous, si on veut, avec plusieurs branches latérales. Donc, on arrive avec un buisson. Mm-hmm. Donc, maintenant, avec tous les fossiles qu'on possède, cette vision linéaire, il faut complètement s'en débarrasser. Ça ne représente vraiment pas la réalité. Mais il reste encore quelques irréductibles parmi les paléoanthropologues qui continuent de voir une vision linéaire. Mais ils sont vraiment très minoritaires. Mm-hmm. Pour la plupart des chercheurs maintenant, il s'agit d'un buisson qui va dans toutes sortes de directions. Donc, une évolution qui est très imprévisible, une forme d'évolution qui nous amène à la conclusion que notre espèce, comme toutes les autres, aurait très bien pu ne jamais exister. Mm-hmm. Son existence est parfaitement contingente. On avait beaucoup plus de chances de ne jamais exister que d'exister. C'est ce que le Buisson nous raconte. Mm-hmm. Puis, ce qui me surprend aussi toujours avec cette multitude de fossiles humains, préhumains, c'est qu'on semble ne pas avoir l'équivalent pour les autres espèces. Par exemple, même pour les ancêtres du chimpanzé, est-ce qu'on a des équivalents de tout ce buissonnement? Ça, c'est vraiment curieux et très, très dommage parce qu'effectivement, pour les chimpanzés et les gorilles, parmi les espèces vivantes, sont de loin les plus proches parents de nous. Et pour les chimpanzés et les gorilles, on ne connaît pratiquement aucun fossile de pré-chimpanzés et de pré-gorilles. Comment ça se fait? C'est un biais dans la recherche? On ne veut pas les trouver ou ils n'existent pas? C'est impossible qu'ils n'existent pas. Ben, c'est impossible qu'ils n'existent pas. Ils ne sont pas apparus soudainement il y a 20 ans, ça c'est sûr. Mais on pense que l'explication la plus plausible, c'est que c'est le milieu dans lequel ces animaux vivent. C'est la forêt tropicale humide. C'est un milieu qui est très peu propice à la fossilisation. Mm-hmm. Donc, il y a ce premier phénomène qui agit. Et peut-être qu'on ne sait pas où chercher. Qu'on n'y a pas porté intérêt et qu'on ne les a pas cherchés. Ah non, on les cherche et puis on trouve très dommage et c'est un grand trou dans la connaissance, mm-hmm. puisque c'est les deux espèces les plus proches de nous. On aimerait beaucoup savoir le chemin qu'ils ont pris pour évoluer parce que faut pas penser que le dernier ancêtre commun qu'on a partagé avec le chimpanzé il y a 6 000 ans, il ne faut pas penser qu'il ressemblait au chimpanzé. 6 millions d'années. Il ne faut pas penser qu'il ressemblait au chimpanzé. C'était autre chose. Voilà. Pendant que nous connaissions 6 millions d'années d'évolution sur notre branche, bien, eux aussi évoluaient. C'est ça. Donc, on devrait retrouver le même foisonnement, buisson. On devrait en trouver autant. Et alors, si on n'en trouve pas, c'est, je pense, parce que le milieu dans lequel ces animaux-là vivent et vivaient était très peu propice à la fossilisation par rapport aux hominidés qui vivaient dans la savane, mm-hmm. où il y avait des possibilités récurrentes d'éruptions volcaniques qui pouvaient enterrer les spécimens et les préserver pour mm-hmm. des très longues périodes. Mm-hmm. Et aussi, comme je disais, l'autre élément, c'est qu'on ne sait pas encore où chercher les pré-chimpanzés et les pré-gorilles. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, on attend, puis on continue de chercher, mm-hmm. et on espère. Et est-ce que pour d'autres espèces, hormis les singes, est-ce que pour d'autres espèces, on a retrouvé le même foisonnement, le même buisson familial? Oui, absolument. Oui. Si on connaît l'exemple classique des chevaux. Il existe seulement un genre de chevaux maintenant, genre équus, qui inclut les chevaux domestiques, les zèbres, les ânes, etc. Mais si on remonte il y a seulement 5 ou 6 millions d'années, on connaissait des dizaines et des dizaines d'espèces sur plusieurs continents. La même chose pour les éléphants. On connaît aujourd'hui seulement deux ou trois espèces d'éléphants, dépendant comment on les définit, alors qu'on connaît 150 espèces d'éléphants fossiles. Donc, ce foisonnement et cette élimination d'un grand nombre de formes dans le temps, c'est pas spécifique à l'humain. Mm-hmm. Parce que c'est un autre caractère qui est un peu curieux dans notre histoire. C'est qu'on connaît donc maintenant plus d'une vingtaine d'espèces d'hominidés, mais toutes ces espèces ont disparu, sauf la nôtre. Mais c'est pas unique à la lignée humaine, puisqu'on voit la même chose chez les éléphants, chez les chevaux. C'est ça. J'avais pas réalisé que chez les chevaux, c'était la même chose. Je pensais que l'Homo sapiens, peut-être plus intelligent ou plus compétitif ou plus agressif, avait éliminé les autres, mais... Ça a pu jouer aussi chez les chevaux. Il y a pu avoir des espèces de chevaux qui, dépendant des changements climatiques, par exemple, sont devenus mieux adaptés que d'autres, puis les ont éliminés par compétition. Donc, c'est peut-être ce qui est arrivé. Mais ça, c'est un des grands mystères de la paléoanthropologie. On n'a aucune idée. Ce qu'on sait, c'est que quand les homo sapiens, comme vous et moi, sont entrés dans un continent, les autres hominidés qui vivaient là sont disparus. Mm-hmm. Mais on ne sait pas comment ça s'est fait. Est-ce que c'est par hybridation? Est-ce que c'est par compétition? Est-ce que c'est par agression directe? On ne le sait pas. Mm-hmm. Probablement un mélange de tout ça. Ouais. Et pour revenir finalement à Néandertal, lui, est-ce qu'on connaît un petit peu son origine? Est-ce qu'il vient aussi d'Afrique? On connaît assez bien. Non, Néandertal a émergé en Europe à partir de ce qu'on appelle Homo Heidelberg, mm-hmm. l'homme de Heidelberg, qui aurait donné naissance à Néandertal en Europe. Donc Néandertal, sauf si on redéfinit encore une fois l'espèce au point de vue anatomique, Néandertal, on ne le trouve pas en Afrique. Mm-hmm. Il y a une espèce qui s'appelle l'homme de Heidelberg qui a émigré d'Afrique en Europe et qui en Europe aurait donné naissance à Néandertal. D'accord, d'accord. Donc voilà, je pense qu'on comprend un petit peu mieux tout. Bah, d'abord l'importance de cette découverte, et puis on comprend un peu mieux d'où nous venons également. Donc merci beaucoup Cyril pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval. Merci à vous, au revoir.